Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Je vais parler à quelqu'un. Tu sens la lourdeur ces derniers temps. Il y a un esprit de distraction qui te poursuit. Il faut chasser cet esprit de distraction et il faut proclamer la victoire du sang de Jésus dans ta vie. L'ennemi veut étouffer ta vie de prière. Oui, il faut maintenant que tu puisses vaquer à la prière et que dès le matin, tu commences avec la prière. Dès le matin, tu entres dans la présence du Seigneur. Ne sois plus distrait. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi, ma sœur. Nous sommes à OSB, opération sur la brèche. Notre passage du jour, c'est 1 Corinthiens chapitre 12, 1 à 11. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Lisons 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul s'il parle par l'Esprit de Dieu ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Je vais partager trois grandes vérités tirées de ce passage. Voici la première vérité. Ne soyons pas ignorants concernant les dons spirituels. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont ignorants. Lorsque, par exemple, ils entendent quelqu'un parler en langue, dans certaines églises dites traditionnelles, c'est comme si c'était du brouhaha, c'est quelque chose d'inhabituel, c'est comme quelqu'un qui est ivre. Oui, le jour de la Pentecôte, quand les gens commençaient à parler en langue, il y a certains juifs qui disaient, mais ces gens sont ivres. Lorsque vous ne comprenez pas, vous ne connaissez pas quelque chose, il faut vous taire. Mais pour certains, ils sont dans l'ignorance. C'est pourquoi il faut que l'Église enseigne aussi à ce qui concerne les dons spirituels. Que vous soyez une église baptiste, que vous soyez presbytérien, que vous soyez méthodiste, que vous soyez assemblée de Dieu, la Bible nous parle des dons spirituels. Il faut que nous puissions enseigner que les chrétiens puissent connaître qu'est-ce que la Bible nous dit concernant les dons. Vous voyez, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, au verset 1, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Ce n'est pas bon d'être ignorant. Nous devons connaître, quand on parle de la prophétie, c'est quoi? Quel est le don de prophétie? Comment il fonctionne? Les dons d'opérer des miracles, les dons de parler en langue, l'interprétation de langue, la parole de sagesse. Donc, il faut que nous soyons enseignés concernant cela. Et ici, l'apôtre Paul dit que c'est le Saint-Esprit qui nous pousse à glorifier le nom du Seigneur. Nous allons voir qu'il y a une relation entre les dons spirituels, entre le ministère du Saint-Esprit et Jésus-Christ. Parce que le Saint-Esprit est là pour glorifier le nom du Seigneur Jésus. Il est dit au verset 3, c'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Deuxième vérité, il y a une unité dans la diversité au sein du corps du Christ. Voyez, la notion de l'unité se manifeste aussi par la diversité de dons, mais le même Esprit, diversité. L'apôtre Paul mentionne l'unité dans la diversité dans trois dimensions. Première dimension, il dit au verset 4, il y a diversité des dons, même le même esprit. Vous voyez, il y a plusieurs dons spirituels. On ne peut pas avoir les mêmes dons. Il y a plusieurs dons spirituels, mais c'est le même Saint-Esprit. Il ne peut pas avoir contradiction. C'est pourquoi dans une église, quand vous voyez que, par exemple, quelqu'un donne une prophétie, et puis une autre personne donne une prophétie contraire, il y a lieu de se poser la question si c'est réellement le même esprit. Le même esprit ne peut pas se contredire. Vous voyez, on dit il y a diversité des dons, mais c'est le même esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas, par exemple, contredire ce que la Bible dit dans sa parole. C'est pourquoi nous devons avoir le discernement. Deuxième dimension de diversité, il dit, il y a diversité de ministères, mais il y a le même Seigneur. Dans l'église, nous n'avons pas les mêmes ministères. Vous avez par exemple ce qu'on appelle les cinq ministères traditionnels. C'est par exemple le ministère du pasteur, il y a le ministère de l'évangéliste, le ministère de l'apôtre, le ministère du prophète, le ministère du docteur. Vous voyez, il y a diversité de ministères. Il y a par exemple aujourd'hui les gens qui sont dans le ministère de la louange en tant que chantres. Il y a ceux qui sont engagés dans le ministère de l'intercession. Il y a diversité de ministères. C'est pourquoi n'enviez jamais le ministère de quelqu'un d'autre ou bien ne vous improvisez pas dans un ministère auquel le Seigneur ne vous a pas appelé. Ici, il dit, il y a diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur Jésus que nous servons. Et troisième dimension de diversité, il y a diversité d'opérations. Mais c'est un seul Dieu qui opère tout en tous. Je prends un exemple. Ceux qui ont les dons de guérison, par exemple, Dieu les utilise pour guérir les malades. Mais ces dons de guérison n'opèrent pas de la même manière. Regardez, par exemple, la manière dont Jésus opérait. Il y a des gens où Jésus procédait par l'imposition des mains. Mais ce n'est pas dans tous les cas où Jésus imposait les mains. Il y a des personnes où Jésus a libéré seulement une parole. Il dit, voilà, va te montrer, tu es guéri. Il y a des gens sur qui Jésus a pris un peu de boue avec la salive. Il a appliqué sur les yeux. Donc, le don de guérison peut opérer de plusieurs manières. Le don de la foi peut opérer de plusieurs manières. Ça n'opère pas de la même manière. Vous voyez, aujourd'hui, l'erreur que certains jeunes serviteurs font, c'est quoi? Par exemple, vous voyez quelqu'un, il a vu un homme de Dieu utiliser un mouchoir, par exemple, pour la délivrance, pour la guérison. Et vous voyez maintenant, quelqu'un commence à se spécialiser dans la guérison avec un mouchoir. Donc, il a toujours un mouchoir blanc, ou bien il prend la veste, il commence à jeter. Non, le Saint-Esprit n'opère pas toujours de la même manière. Vous voyez, il y a plusieurs opérations. Un don peut opérer de plusieurs manières différentes, mais c'est toujours le même Dieu. Tout se fait dans l'unité. On ne fait pas utiliser les dons spirituels ou des ministères de manière concurrentielle. Il faut qu'il y ait unité dans la diversité, que nous puissions accepter de nous compléter. Troisième vérité. Il y a trois vérités concernant les dons spirituels dans ce passage. Première vérité, les dons spirituels nous sont accordés pour l'utilité commune. Quand Dieu te donne un don, il ne faut pas enfouir ce don, il faut l'exercer. C'est pour l'utilité de l'église. C'est pourquoi il y a des gens qui étouffent leurs dons spirituels. Lorsque, par exemple, Dieu te donne le don de chanter, mais tu ne dois pas, ce n'est pas pour chanter seulement dans ta chambre. Tu dois t'engager, par exemple, dans une chorale ou dans un groupe musical. Lorsque Dieu te donne le don de prophétie, tu dois libérer la parole que Dieu te donne pour édifier l'assemblée. Donc, vous voyez, c'est pour l'utilité commune. Il est dit ici, au verset 7, « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Deuxième vérité concernant les dons spirituels, nous n'avons pas forcément les mêmes dons. Nous avons des dons différents. C'est pourquoi ici, lorsque Paul énumère la liste des dons, des 9 dons, il utilise toujours l'expression « à un autre ». À un autre, vous voyez, il dit « à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre les dons de guérison, à un autre les dons d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. » C'est pour dire que nous n'avons pas forcément les mêmes dons. Tu peux avoir le don de prophétie, mais tu ne parles pas en langue. Ce n'est pas forcé que tous les chrétiens parlent en langue. Tu peux ne pas parler en langue, mais tu as un autre don. Donc, vous voyez, on dit à un autre. Donc, chacun de nous doit chercher à reconnaître quel est son don. Et si tu reconnais ton don, il faut l'exercer. Troisième vérité concernant le don spirituel, le Saint-Esprit distribue les dons à chacun comme il le veut. Donc, vous voyez, ce n'est pas nous qui désirons. C'est vrai, nous pouvons désirer un don, mais le Saint-Esprit, de manière souveraine, peut donner à quelqu'un les dons de discernement des esprits. Il peut donner à un autre le don d'opérer des miracles. Il peut donner à un autre serviteur le don de foi. Il peut donner à un autre le don de la parole de sagesse. À un autre, le discernement des esprits, la parole de connaissance. À un autre, le parler en langue. Vous voyez? Donc, c'est le Saint-Esprit qui distribue de manière souveraine. Donc, chacun de nous doit accepter le don qu'il a reçu de la part du Seigneur. Il ne faut pas dire à Dieu, pourquoi tu es injuste? Dire au Saint-Esprit, pourquoi tu ne m'as pas donné moi le parler en langue? Pourquoi moi je n'ai pas le don de prophétie? Pourquoi c'est tel frère? Pourquoi c'est telle sœur? Non, chacun de nous doit accepter parce que le Saint-Esprit distribue à chacun comme il veut. C'est ce que dit le verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le glorifier en chantant ce cantique. Il mérite la gloire, l'honneur. Adore-le. roi les rois éternels, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu seul sage, à toi Dieu seul sage, à toi le roi. Le roi éternel, à toi le roi, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu seul sage, à toi Dieu seul sage, à toi le roi. Louange, honneur, louange, honneur et gloire. À toi le roi, toi louange, honneur et gloire. À à Dieu. Notre Dieu est merveilleux. Il est le Dieu qui a répandu son esprit et qui nous donne des dons spirituels. Bénis le Seigneur. Glorifie son Saint-Nom. Amen. Notre passage du jour, c'est 1 Corinthiens chapitre 12, du verset 1 jusqu'au verset 11. Nous sommes à notre émission de prière OSB, opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, le révérend Dieudonné Ngoumbi. Cette émission est produite à partir d'Abidjan sur la radio nationale des églises protestantes évangéliques de Côte d'Ivoire, dénommée la radio Fréquence Vie. Vous pouvez suivre en direct nos émissions si vous téléchargez l'application Vox M, et puis vous tapez Radio Fréquence Vie. Voici quelques sujets de prière que nous vous proposons. Nous allons prier pour que nous puissions bannir l'esprit d'ignorance concernant les dons spirituels. Que nos pasteurs, nos docteurs, nos enseignants puissent enseigner le peuple de Dieu concernant les dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Grand Dieu, nous te bénissons, nous proclamons tes louanges, nous nous prosternons devant toi pour exprimer notre reconnaissance pour tous tes bienfaits. C'est toi qui crée en nous la vie, le mouvement et l'être. Ce matin, nous prions au Père éternel pour nos différentes communautés. Nous prions pour la manifestation des dons spirituels dans nos différentes communautés. Nous prions au Père éternel que toute ignorance, tout esprit d'ignorance soit ôté de la vie de nos différents responsables, de nos différents dirigeants de culte, de nos différents enseignants. Interviens au Père éternel par ton Esprit Saint et manifeste ta gloire afin que la pertinence, la réalité des dons spirituels soit effective au sein de nos différentes communautés. Nous avons mis notre foi, nous avons mis notre confiance, nous avons mis notre assurance en toi pour la réalisation des grandes choses. C'est pourquoi nous prions contre toute forme d'ignorance, nous prions contre toute forme de rejet, nous prions contre toute forme d'opposition à l'expression, à la manifestation des dons spirituels. Parce que les dons spirituels, c'est pour l'utilité commune et ils contribuent à l'avancement de ton œuvre, à l'édification de ton Église. C'est pourquoi nous te disons merci. Merci Père éternel pour les dons spirituels que tu as envoyés dans nos communautés et pour leur efficacité. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Nous venons de voir qu'il y a unité dans la diversité au sein du corps. Il y a diversité des dons, mais c'est le même esprit. Diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu. Nous allons prier pour que nous puissions vivre l'unité et non la rivalité entre pasteurs, entre frères et sœurs, entre serviteurs de Dieu, que nous puissions accepter de travailler dans l'unité malgré la diversité des dons, malgré la diversité des ministères, malgré la diversité d'opérations. Prions le Seigneur. Que la gloire te revienne ce matin, notre Dieu, notre Père, notre Seigneur, celui-là qui nous aime d'un amour éternel, qui nous a dispensé, qui nous a donné, qui nous a qualifié et nous a donné des dons, des ministères. Nous sommes nés avec les talents. Mais Seigneur, malheureusement aujourd'hui, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, tu as doté chacun d'un ou de plusieurs dons. Mais nous avons des difficultés. Les gens n'aiment pas accepter les dons que tu leur as donnés. D'autres frères, mais ils combattent. Ils cherchent à nuire, à détruire. Pourquoi celui-là qui prie seulement, qui a le don de guérison, qui a le don de présidence, pourquoi ce frère ou telle sœur sait faire telle chose, exercer tel ministère et le fait bien? La jalousie, la haine, la méchanceté, ils vont même ensorceler, envoûter, lancer des sorts. Nous te prions ce matin que ce genre de choses prennent fin dans l'Église. Parce qu'il y a diversité de dons, mais le même esprit. Toi qui cherches à nuire, tu as un don, c'est par rapport à ce don, à ce ministère. Tu vas rendre compte à Dieu. Dieu va te demander de rendre compte parce que tu as un don que tu dois mettre en pratique dans, au milieu de tes frères. C'est de condamner, c'est de détruire, c'est de faire du mal à celui-là que tu as béni. Seigneur, viens à nos secours, que ton esprit nous conduise, nous dirige au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir que le Saint-Esprit nous donne les dons, c'est pour l'utilité commune. Nous n'avons pas forcément les mêmes dons et il les donne comme il veut. Prions le Seigneur. Si tu as étouffé le don que le Seigneur t'a donné, demande pardon et prie pour que le Saint-Esprit puisse libérer les dons que tu as reçus de la part du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, c'est pour l'utilité commune. Tu dois t'engager, exercer les dons que tu as reçus au sein de l'Église. Il faut t'engager. Cette année, c'est l'année de ton engagement et le Seigneur va t'utiliser. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, nous bénissons encore ton nom ce matin pour cette grâce que tu nous as faite, ces talents et ces dons que tu as impartis dans nos vies. Merci parce que tu nous qualifies à les exercer pour l'utilité, pour que ton Église avance, pour que ton Église croisse, pour que ton Église soit bénie, pour que tes enfants croient en toi davantage et rendent témoignage de tes bienfaits. Et beaucoup ont perdu la grâce que tu leur as accordée. Beaucoup n'exercent plus le don que tu leur as accordé à cause d'un péché, à cause soit de la jalousie, à cause de ce qu'ils veulent faire comme les autres. Et ils ont perdu tous les repères. Ils ont perdu la grâce de ce don. Ils ont perdu cette bénédiction que tu leur as accordée. Nous te demandons pardon. Touche les cœurs. Transforme les vies. Que ces personnes reviennent à toi et reviennent à leur premier amour et recherchent le don que tu as mis en eux. Pour que l'Esprit révèle ce don pour se manifester au milieu de tes enfants. Ô Saint-Esprit, restaure, restaure encore ces grâces, ces bénédictions, ces dons et talents en nous. Et que nous fassions ton œuvre. Donne-nous, Seigneur notre Dieu, aujourd'hui, cette bénédiction. Que quiconque a perdu, Seigneur notre Dieu, l'Esprit, par nos prières ce matin, qu'il reçoive le feu de l'Esprit. La puissance de cet esprit, que les dons soient restaurés, que les dons soient restaurés, que les dons soient restaurés. Merci Seigneur notre Dieu pour cette visitation. Merci pour ce frère qui reçoit le baptême du Saint-Esprit. Merci pour la restauration dans la vie de ce frère et de cette sœur. Gloire et honneur à toi pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus, amen. Amen. Je vais demander à chacun de vous de lever les mains pour recevoir la bénédiction divine. Que cette journée soit une journée de bénédiction pour chacun de vous. Au nom de Jésus. Que cette journée, tu reçoives la victoire du Seigneur. Au nom de Jésus. Que cette journée, aujourd'hui, tu reçoives la visitation du Saint-Esprit. Et que les dons qui sont enfouis en toi soient libéré au nom de Jésus. Que cette journée soit une journée de faveur au nom de Jésus et que tous les projets mis contre ta vie soient renversés au nom de Jésus. Amen. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.